Dossier 3, livre page 36. Salut Samy, tu habites dans cette rue ? Oui, j'habite au numéro 4. Lucie, tu aimes les murs ? Oui, bien sûr. C'est à toi cette tortue, Suzanne ? Non. Leïla, tu viens dîner avec moi ? Avec plaisir. Regarde cette boîte en mosaïque. Ah oui, comme elle est belle ! En quel mois nous sommes ? En décembre.